Attendez, je pense que vous avez du mal à identifier les personnes qui sont présentes à la soirée. Reprenez les éléments calmement et revenez vers moi quand vous aurez mieux potassé tout ça.